ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. C'est dur de bloquer, quand l'insomnie te prend devant ces clips de nuit où le plouquet à la fin est complètement relouqué. À croire que le ridicule de nos joueurs peut se vendre ou se troquer. C'est trop carré moins de place pour le mérite et plus de tocards. On démarre au quart, de tour en rage. Et quand on voit qu'aujourd'hui le vrai talent finit sur un brancard, sache que l'on sort pas de Starac ou de notre concept et qu'on n'a pas besoin de ça pour casser la baraque, ni pas ce hit parade. On préfère trimer pour apprendre, faire comprendre qu'on est là pour donner des lyrics en rab. À la sueur de nos fronts, on avance lentement car le rap est un champ de bataille où l'on doit tenir sur le front et faire front à tous ces affreux de la chanson qui aiment se faire manipuler. C'est navrant, les rêves se vendent et les principes s'éventent. L'argent comme un artiste en dépend et ne savent pas que Red est l'absent. Ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène, humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça pue la merde. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. Ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène, humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça pue la merde. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. Hey ho. L'artiste préfabriqué, quand tu chantes, c'est le doigt qu'on lève et pas nos briquets. Les carrières se prennent pas, elles se méritent, ne prennent pas. Quand on te dit que le rap est un art qui nous attend d'intriguer, le tout de le triper et de pas lâcher le grappin. Et crois pas qu'on dure dans ce métier quand on travaille à peine de la peine, j'en ressens. Car les vrais attendent des années pour qu'on leur tende une aubaine. Le problème, c'est que tu comprends pas que je débarque en branle pas de combat pour te faire danser, alors apprends le pas. Je prends le pied à rapper parce que j'aime ça et je m'en branle pas. L'amour de la passion gasse ce qu'il y a de plus palpable. Je suis pas le genre qui devant une caméra ferait une guignole pour finir pseudo star qui se calmera. Fais du suicide parce que j'ai pas ses publics à l'heure. Ta gueule écoute ce son, ça c'est quelque chose de mémorable. Ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène, humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça pue la merde. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. Ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène, humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça pue la merde. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. J'parque en freestyle, toujours prêt sur un soin magistral. Péter le cristal de ma voix, tenir l'enjeu car la mise est de taille. En tant qu'MC, j'brise étage, c'est faux qui stack dans le décor et font style de ne pas bouger même sous le période d'un mistral. J'y fais le poster, j'y mette le rap en mauvaise posture. J'pose dur, essayer de relever le niveau avec mes postures. J'les vends maïs de la bouche et les chèques rouges en osure. J'ai envie de leur dire d'aller voir dans le déco le vrai sens du mot poster. En guise de présent, mes lyrics car j'représente mes idées. J'pose sur le beat pour plusieurs raisons. Depuis l'âge de 13 ans, j'suis encore présent quand il s'agit de points sur les i. Qu'est-ce que tu crois m'apprendre à présent? J'ai plus d'un tour dans mon sac, je le répète. Armé de ma plume, gratte sur papier car c'est à ça que je me consacre. Et qu'est-ce que tu constates? J'me tâte à prendre le mec pour qu'on tape toi et moi et te montrer comment on fonce et dans ça. Comment rester constant à travers nos constances, temps de guerre avec le clan. Car c'est avec lui qu'on se bat et je conspire. L'esprit cocasse, je profite de l'occasion pour te faire comprendre que j'apprends, je respire. Ma clé, la force de mon clan d'instinct qui malgré la pression avance avec tout ce qu'il faut dans le destin. Sans force le destin, on se presse pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour une petite maison, c'est un vrai fait. Ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène, humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça pue la merde. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. Ça pue la merde. Ça s'engrossit dans nos enceintes, sans scène, humiliation diffusée sur nos chaînes. Ça pue la merde. Ça exploite les potentiels, ça vend les rêves en oubliant la notice essentielle. Ça pue la merde.